ton nom, je te dis qu'il le bat sur toi. Des ennemis, dis-toi aussi que c'est les miens. On peut s'aimer, mais je sais pas comment ça finira. Dis-toi que chaque être humain est remplaçable. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé. J'entends ta voix me dire Nalinguio. Mais désolé, pour l'instant, ça peut pas marcher. Amore mia, chérie, coco, je suis doublement désolé. Amore mia, coco, je suis doublement désolé. Amore mia, chérie, coco, je suis doublement désolé. Amore mia, coco, je suis doublement désolé. Papa, maman, ce soir, je ne rentre pas. Ne m'attendez pas, je ne fais rentrer de l'argent. Amore mia, ne m'attends pas. Ce soir, je suis pas là, je ne fais rentrer de l'argent. Tu veux du sexe ou de l'amour? Faut choisir entre les deux, s'il te plaît. Mais fais le bon, car là-bas, ça sera pas meilleur qu'ici. Dis-moi si sans moi tu t'imagines. Les cœurs sont dans tes mains, mon bébé. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé. J'entends ta voix me dire Nalinguio. Mais désolé, pour l'instant, ça peut pas marcher. Amore mia, chérie, coco, je suis doublement désolé. Amore mia. Je ne rentre pas, ne m'attendez pas. Je dois faire rentrer de l'argent. Amore mia, ne m'attends pas. Ce soir je suis pas là. Je dois faire rentrer de l'argent. Papa, maman, ce soir je ne rentre pas. Ne m'attendez pas. Je dois faire rentrer de l'argent. Amore mia, ne m'attends pas. Ce soir je suis pas là. Je dois faire rentrer de l'argent.